Qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur. Il est bien, il est vivant, il est merveilleux, il est puissant. Ah, il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé, il faut être fier. Fier de ton Jésus. Fier de ton Dieu. Car il est vivant. Si toi tu ne le vois pas, moi je le vois. Moi je vois qu'il agit dans ta vie. Si toi tu ne le témoignes pas, moi je le témoigne à ta place. Il est bien, il est vivant. Notre Jésus est vivant. Notre Jésus n'est pas resté à la croix. Notre Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité le troisième jour. Il est vivant. Alors il faut être fier de ton Jésus. Il faut être fier de ton Dieu car il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant dans ta vie. Il agit encore dans ta vie. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Si toi tu ne le vois pas, moi je le vois. Je vois combien est-ce que les malades guérissent. Quelqu'un qui était dans une situation compliqué, mais il a été sorti de cette situation par la main puissante de Jésus. Bien-aimé, il est vivant et il t'a maintenu en vie. Combien sont ceux qui sont dans des morgues? Mais toi, tu es vivant. Toi, tu es vivant. Toi, tu es vivant. Alors pourquoi ne pas l'adorer ce soir? Pourquoi ne pas l'élever ce soir? Pourquoi tu peux rester indifférent devant sa grâce? Oh, il est vivant. Il est merveilleux. Alors si tu es reconnaissant, adore-le ce soir. Élève-le ce soir. Élève-le ce soir car il est bon. Merci toi qui vis. Merci. Jésus, Jésus, oh, tu y as. que quelqu'un peut vraiment monter en prière. Quelqu'un peut élever son nom ce soir, le nom de Jésus ce soir. Quelqu'un peut exprimer de sa voix ce soir afin d'élever ses dieux. Quelqu'un peut dire à Dieu, je t'aime parce que tu m'as sauvé, tu m'as tiré de loin. Est-ce que quelqu'un peut adorer celui qui l'a créé, celui qui l'a façonné? Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce soir pour dire de Dieu, me voici, je suis l'œuvre de tes mains. Et c'est si quelqu'un peut élever sa voix afin d'adorer celui qui est au-dessus de toutes choses. Laissons ce moment d'adoration que nous te cherchons, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Laissons parmi nous, Seigneur. Oh, sois les bras sur ta ligne gauche. C'est soi, et toi, le seul en qui nous pouvons prier, Seigneur. Le seul qui peut satisfaire les désirs de celui qui le cherche, c'est toi. Soit rendu à Dieu. Amen. Il a voulu à ce que nous soyons présents devant vous. Nous disons sincèrement merci au Tout-Puissant pour les souffles de vie qu'il nous a accordés et la force pour nous tenir debout afin d'annoncer le mystère de sa part. Nous disons merci à papa d'avoir aussi songé à nous pour nous céder la chair afin de parler de la part du Seigneur. Notre remerciement va tout droit aussi à maman qui est présente Tunamshukuru tena mama sababu katikati yetu mangaribi ya leo. Bénisse maman. Mungu akubariki mama. Nous bénissons les anciens, tous les serviteurs. Nabariki wazee na watumishi wote. Les peuples de Dieu que vous êtes, nous vous saluons aussi. Mkutano yote ya Mungu basi tunawashukuru kabisa. Que Dieu vous bénisse. Tunasema Bwana awabariki. Nous sommes dans le livre de Daniel 11:32. Kwa kitabu ya Danieli sura yake ya 11 sura ya kusoma 12:3. La technique peut nous balancer. Kama wafundi milamu mitambo zotokea yoku kwenye kibao. Il séduira par des flatteries de, les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. J'aimerais un peu prendre la première partie. Napenda kamata ako sehemu ya kwanza. Il séduira par des flatteries. Atavuta kupita udanganifu. Les traîtres. Les traîtres. Ah, wajanja. Bien-aimés. Wapendwa. Qui est traître? Utu mujanja ni nani? Un traître c'est celui qui trahit. Mujanja ni yule anatoa wengine. Si nous voyons l'histoire de la Bible. Tukiangalie mambo ya Biblia. Jésus a été trahi. Yesu baliweza kumtoa naye. Et qui a trahi Jésus? Na nani alimtoa Yesu? Judas. Ni Yuda. Judas a trahi Jésus. Yuda alimtoa Yesu. À cause de 30 pièces d'argent seulement. Kwa ajili ya shekeli ya fedha makumi tatu. Un traître bien-aimé. Basi huyu mjanja wapendwa. C'est celui qui va à l'encontre la parole de Dieu. Yanaenda kinyume ya sauti ya Mungu. C'est lui qui désobéit. Mwenyewe kunafanya kazi ya kutokutii. C'est lui qui pèche contre la loi de l'Éternel. Yeye kunafanya dhambi mbele ya sheria ya milele. Si on obéit pas ainsi. Kama hauwezi kuheshimia hivi. Nous sommes considérés comme étant des traîtres. Na sisi tunakuwa wajanja. Alors c'est pourquoi. Dio mana tena, si nous remontons tena juu, dans le livre de Daniel 11, kitabu ya Daniel sura yake ya 11, à partir du 30e verset, toka shaili yake ya 13, vous allez vous rendre compte que utaona ya kama, il y a quelqu'un na mtu mmoja, qu'on appelait un méprisé. Balimuita, un méprisé. Ah, mwenye kuzarauliwa. Celui-là yule mtu avait entraîné aliweza kusukuma na kokota ceux-là qui avaient abandonné l'alliance. Bale bote baliweza kuacha agano. Bien-aimés, quand nous acceptons Jésus, wapendwa tukimwamini Yesu, nous concluons une alliance avec lui. Bale tunafanya agano pamoja naye. Mais lorsque nous allons à l'encontre de cette alliance, kama tunaenda kinyume ya agano ile, nous sommes comme des traîtres. Tunakuwa kama watu wadanganyifu. Parce que nous brisons cette alliance là. Baba tunavunja agano ile. C'est pourquoi pendant ce temps, ndio maana kwa hiyo wakati, cet homme là qu'on appelait le méprisé. Ule mtu alita il avait entraîné beaucoup de gens. Alikokota watu wengi. Et parmi ceux qu'il avait entraîné, katikati ya bale alikokota, ce sont ceux-là qui avaient brisé la Sainte Alliance. Et paka bale balivunja agano takatifu. Et c'est pourquoi on dit, ndio maana bako nasema tena, ils séduiront par des flatteries. Atavuta kwa watu wadanganyifu. On a flatté qui? On a séduit qui? Balidanganya nani? Ceux-là qui ont abandonné l'Alliance. Et paka ule aliacha agano. C'est pourquoi bien-aimé, ndio maana mpendwa, n'abandonnons pas l'Alliance. Tusiache agano. Si nous avons Jésus dans notre vie, conservons cette communion avec lui, conservons cette alliance avec lui, pour qu'on ne nous appelle pas comme des traîtres. Amen. Amen. Les thèmes qu'on nous a donnés, les sous-thèmes, les dieux qui donnent la victoire sur les situations opposées. Les dieux qui donnent la victoire sur les situations opposées. Nous allons voir cela dans Esther 4. Si on peut nous balancer Esther 4. À partir du 8e verset. Esther 4. Esther 8e verset. Ok, nous allons lire même ici. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrerait à Esther et lui ferait un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther dit à Attaque, en lui ordonnant de les rapporter à Mardoché. Tous les serviteurs du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué et mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous, seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or, moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. On rapporta les paroles d'Esther à Mardoché. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront de notre côté, alors que toi et la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Amen. Amen. Ok, ça c'est l'histoire du peuple juif. Avec Mardoché et la reine Esther. Na Mordecai, na Malkia, Esther. Bien-aimés, nous voulons d'abord d'emblée définir un peu une opposition. C'est quoi une opposition? Nous définissons l'opposition comme le fait d'exprimer deux idées qui sont contraires. Donc, le fait de exprimer deux idées qui sont contraires. Alors, les situations opposées sont des situations qui sont contraires. Dans notre parcours, nous rencontrons parfois des situations qui sont opposées. Si nous lisons les livres de Daniel, les livres d'Esther, ces deux livres nous montrent clairement l'état des situations opposées qui sont presque similaires. Ce que nous pouvons voir dans Daniel, c'est presque pareil à ce que nous allons voir dans Esther. Et de part et d'autre, il s'agit bien de déporter. De déporter, les déporter. Les déportés juifs. Ils étaient parfois des races royales, parfois des familles nobles. Ils ont été amenés dans un autre pays que les leurs. Alors, là où ils sont arrivés, ils ont été considérés comme étant des captifs. Et les nations ont fait d'eux des esclaves. Quand nous venons de dire, ils séduiront par des flatteries. S'ils arrivent d'être pris en déportation pour une faiblesse quelconque, on cherchera à vous réduire à l'état d'esclave. Et quand on est esclave, on perd son statut. Le statut que tu avais de celui qui dérive d'une race royale, d'une famille noble. Vous voyez une situation de quelqu'un qui vient d'une famille riche. Mais quand il arrive à Babylone, le roi de Babylone fait de lui un esclave. C'est comme ça que le diable, les sorciers, sont en train de faire de nous aujourd'hui. Il y en a qu'on réduise à l'état d'esclavagiste. Parce que mon peuple périt par faute de connaissances. Si on manque de connaissances, ufahamu, on va être réduit à l'état d'un esclave. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel. Et c'est le sort aussi de Mardoché. Avec les restes des Juifs. Ils ont été faits comme des esclaves. Là, c'est un paradoxe. De la royauté à l'esclavagisme. Bien aimé, c'est ce que nous appelons les situations opposées. Je me demandais pourquoi est-ce que le pasteur a donné comme thème connaître Dieu et agir avec fermeté et en même temps il nous dit le Dieu qui donne la victoire sur les situations opposées. J'ai compris par dire ceci, que c'est la connaissance que nous aurons qui nous fera délivrer de l'esclavagisme. Si tu as la connaissance, bien-aimé, la connaissance fera de toi vraiment un prince. C'est pourquoi la connaissance est vraiment une bonne chose pour tout un chacun. Quand on a la connaissance, on ne peut pas accepter n'importe quoi. Maintenant, que faire pour échapper, pour contourner les situations opposées? Nous allons prendre le premier point. Pour échapper, pour ne pas vivre les situations opposées, la première des choses, quand nous lisons les livres ici d'Esther, nous allons tirer comme point capitaliser le temps. Amen. Amen. Il faut capitaliser le temps. Il faut lire les signes de temps. Le temps peut être une époque. Le temps peut être un moment. Le temps peut être une période. La période que tu es en train de traverser aujourd'hui. Maintenant, il y a des événements qui sont en train de se passer dans ta vie, qui sont contraires à tes desseins, qui sont contraires à tes projets à toi. Et ces éléments-là que tu traverses pendant ce temps, cette époque que tu traverses, constituent des situations vraiment opposées. C'est pourquoi nous disons il faut lire les signes de temps. Quel est le moment que tu traverses aujourd'hui? Le temps que tu traverses aujourd'hui. Parce que pour Esther, Esther est entrée dans la royauté. Elle est devenue reine. Mais elle n'a pas discerné le temps. Bien aimé, tout le monde peut ne pas être d'avis avec toi. Mardoché avait déjà lu le signe de temps. Mardoché savait notre arrivée dans la cour royale. C'est pour le salut des Juifs. Lui, en tant que Juif, il devait aussi chercher le salut des Juifs. Mais la reine Esther était distraite. Bien aimé, celui qui n'a pas de révélation, il restera dans la distraction. Et quand tu es dans la distraction, tu vas périr et tu vas périr les autres. Raison pour laquelle Mardoché ne pouvait pas dormir. Mardoché avait vraiment le signe de temps en lui. Il s'est dit, je dois saisir de cette occasion. Et il avait saisi cette occasion-là. Et l'occasion qu'il avait saisie, il fallait bouger. Il fallait bouger Esther. Parce que Esther dans la cour royale ne s'occupait pas de son peuple. Et je présume même que Mardochée ne pensait même pas qu'il y a des juifs à Suse. C'est comme nous sommes là dans la famille. Parfois on cherche à vivre seul et on oublie les autres. Bien-aimés, ce soir, nous devons regarder tous dans la même direction. Alléluia. Amen. Mardochée, ce qu'il faisait, c'est pour dire à Esther, marchons ensemble. Regardons dans la même direction. Il faut avoir la même vision. Si on marche dispersé, le salut ne viendra pas. Si on marche dispersé, la délivrance ne viendra pas. C'est pourquoi il faut marcher vraiment tous regardant dans la même direction. La Bible déclare, deux valent mieux qu'un. Car si l'un tombe, l'autre va relever son prochain. Amen. Mais si tu es seul, lorsque tu tombes, qui va te relever? C'était le cas d'Esther. Esther ne pouvait pas comprendre. Et raison pour laquelle Mardochée a tout fait pour rencontrer Esther. Pour rencontrer Esther, ce n'était pas facile. Il fallait qu'il envoie quelqu'un. Même celui que Mardochée avait envoyé. La réponse qui lui était arrivée, c'était une réponse qui ne devait pas vraiment enchanter Mardochée. Parce que pour Esther, allez vers le roi. Si le roi ne vous appelle pas, si le roi ne vous tend pas son sceptre d'or, vous ne pouvez pas aller. Il faut 30 jours. Bien aimé chez Dieu, on ne peut pas attendre 30 jours. Chez Dieu, on attend à 30 jours. Rappelez-vous de la prière de Daniel. Daniel a dit au chef des eunuques, donne-nous seulement 10 jours. Alléluia. Amen. 10 jours seulement. Il n'a pas dit 30 jours, 10 jours. Mais pour aller voir le roi, la reine Esther devait attendre après 30 jours. Mais lorsque Daniel a prié, au bout de 10 jours, la réponse est arrivée. Dieu s'est révélé à lui. Bien-aimé, notre Dieu n'attend pas tellement que tu puisses prier autant de jours. Même les jours où tu entres à la prière, il peut te répondre. Amen. Dieu n'attend pas seulement au bout des 30 jours. Alors, comme Esther est attendue, Mardochée brûlait d'envie. En lui, si la reine ne répond pas, moi, je veux jeûner. Lorsqu'il a jeûné, il s'est revêtu des sacs. Il s'est mis la cendre. Il s'est étendu par terre. Lorsque la reine Esther a entendu, et Mardochée s'est revêtu d'un sac, la reine Esther n'avait pas attendu 30 jours. Amen. Donc il y a des situations. Il faut provoquer. Et il ne faut pas attendre. Mardochée n'avait pas attendu les 30 jours. Si Mardochée n'avait pas fait ça, la reine Esther ne pouvait pas réagir. Raison pour laquelle nous disons ceci. Il faut discerner les signes du temps. Amen. Amen. Si nous allons lire dans les livres de Luc 19, verset 44, Luc 19, verset 44, Luc 19, verset 44, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Amen. Amen. Ça, c'est Jérusalem. Jésus avait besoin d'un âne. Jésus avait besoin d'un âne. Ah, Yesu alitajia mwanapunda. Afin de pouvoir entrer à Jérusalem. Ili apande na ingie mu Yerusalema. Et lorsqu'il entrait à Jérusalem, wakati alingia mu Yerusalema, les gens étaient en train de crier. Watu walianza kumlalamikia. Les foules qui étaient venues le voir. Ile makutano ilikuya kutana naye. Criaient vers lui. Walianza kumlalamikia. Sois béni le roi. Barikio, mfalme. Celui qui vient au nom du Seigneur. Mwenye anayekuja kwa jina la Bwana. Paix dans le ciel. Salama mbinguni. Et gloire dans le lieu haut. Na utukufu pahali pa juu. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Tazameni sasa Biblia inasema tena. Quelques pharisiens. Wa farisayo chache. Du milieu de la foule. Walikuwa katikati ya makutano. Dirent à Jésus. Wakamwambia Yesu. Maître. Bwana. Reprends tes disciples. Basi ukemeye wanafasi wako. Amen. Amen. C'est-à-dire, mana yake, dans une situation opposée, katika hali ya upinzani, Jésus est en train d'entrer dans Jérusalem. Yesu alianza kuingia mu Yerusalema. Mais, alakini, ceux qui sont contre la parole, walikuwa kinyume ya neno, ceux qui étaient jaloux de lui, walikuwa na buivu kwa ajili yake, ne voulaient pas que le peuple crie sur Jésus. Hapakupenda watu wamlalamikie Yesu. Que la gloire ne soit pas vraiment avec Jésus. Wala utukufu isikuwe pamoja na Yesu. Il fallait que Jésus puisse vraiment le faire taire. Il passe à Yesu awanyamazishe. Selon leur désir. Kufuatana na kutaka kwao. Mais Jésus leur dira. Yesu akawaambia. S'ils se taisent. Kama wao wakinyamaza tu. Les pierres vont me louer. Basi mawe itanisifu. S'ils se taisent. Wakikala tu kimya. Les pierres vont me louer. Mawe itanisifu. Bien-aimé, si toi tu ne pries pas. Pendo kama wewe hauombe. Dieu va susciter les prières. Mungu atalamusha benye kupenda kuomba. Nous avons avec Daniel à Babylone. Ile pamoja na Daniel. Il y avait beaucoup de jeunes de la race noble, la race royale, tous ceux qui étaient là bien-aimés n'étaient pas choisis, mais ceux qui étaient choisis, c'était seulement un petit groupe. Bien-aimés, dans la sélection de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre. Dieu peut prendre même un groupe, un petit groupe, qui va le louer. Si toi aussi, tu as besoin de participer dans cette gloire, c'est pourquoi tu dois aussi t'élever, afin de pouvoir élever le Dieu Tout-Puissant. Ici, quand nous voyons, Daniel n'était pas n'importe quel jeune. Dans l'amitié des jeunes, il était un jeune exceptionnel. Il était un jeune distingué des autres. Pourquoi? Parce qu'en Daniel, il y avait un esprit supérieur. Et c'est cet esprit supérieur qui différenciait Daniel des autres jeunes. Et c'est ce qui avait fait que Daniel puisse vraiment être bien compté par le roi. Et lorsque le roi a opéré les choix sur lui, de Daniel, les autres, ses compagnons, ont aussi reçu le même honneur que Daniel avait reçu. C'est pourquoi ici nous disons, nous devons distinguer le signe des temps. Tu dois savoir le temps où Dieu t'a visité. Bien aimé, le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Dieu t'a déjà visité. Est-ce que tu te rends compte vraiment de la visitation de Dieu? Esther ne s'était pas rendu compte que Dieu les avait déjà visités. Quand nous lisons, nous rentrons dans Esther, le chapitre 4, nous allons voir ce que Dieu a fait avec les Juifs. Qu'est-ce que Dieu a fait avec les Juifs? Nous lisons Le chapitre 14. Tukomusura ya kumi na... Chapitre 14. La Bible dit ceci. Si tu continues à te taire, ukiendelea tena kunyamaza, en cette occasion, les soulagements et la libération des Juifs surgiront de notre côté. Alors que toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si c'est pas pour D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour cette occasion, comme celle-ci, que tu es parvenu à la royauté. Amen. Cela prouve à suffisance que Esther n'avait pas encore vraiment compris le temps de la visitation. Bien-aimé, ton temps de visitation peut déjà être là, mais toi tu ne te rends pas compte que Dieu t'a déjà visité. C'est pourquoi il faut discerner le temps. Parce que si Mardoché n'était pas avec Esther, les Juifs qui étaient à Suse devaient périr. Parce qu'il y avait une loi. Une loi qui pesait sur les Juifs. Mardoché, ayant appris cela, il a tout fait pour que cette loi ne soit pas appliquée et que les Juifs ne soient pas tués. C'est ça la situation. Si nous voulons vraiment sauver les autres, discernons les signes du temps. La deuxième des choses, après avoir capitalisé le temps pour faire face aux situations opposées, il faut avoir le courage et le sacrifice. Bien-aimé, l'histoire de Mardoché raconte ceci. Mardoché encourageait Esther à risquer. Pourquoi? Parce que il y avait une loi d'interdiction de voir le roi avant 30 jours. Mais Mardoché poussait, encourageait la reine Esther d'aller voir le roi. Même si elle n'a pas été appelée, Mardoché devait pousser la reine d'aller voir le roi. Pourquoi voir le roi? C'était pour le salut des Juifs. Amen. Amen. La crainte nous évite vraiment à obtenir beaucoup de choses. Un craintif, un non courageux, n'aura pas la victoire. Bien-aimé, dans les épreuves comme celle-ci, dans les situations controversées, dans les situations difficiles, dans les situations opposées, Dieu a besoin de courageux. Les craintifs, Dieu le met toujours à côté. Si vous rappelez l'histoire de Gédéon, Gédéon avait choisi beaucoup de gens. Mais Dieu avait dit à Gédéon, les 700 hommes que tu me présentes, moi je ne vois pas les 700. Il faut encore réduire le nombre. Bien-aimé, Mardoché est arrivé à avoir au moins 300 hommes avec lesquels il devait faire la guerre contre Madian. Raison pour laquelle, ici, Quand on est courageux, on peut aussi obtenir la victoire. La victoire est certaine. Si tu te donnes le courage, c'est pourquoi on nous dit ceci. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Les pasteurs, quand ils parlaient ici, ils avaient dit beaucoup de versions de la Bible avec fermeté, en d'autres termes avec courage. Avec fermeté signifie en d'autres termes avec la foi. Bien-aimé, si tu n'es pas courageux, tu ne vas pas t'aligner dans un combat. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat qui demande le courage. Commence pas à t'encourager toi-même. Mais pour Esther, c'était Mardoché. Or, ce que Mardoché faisait, c'était pour que Esther comprenne qu'il faut sauver le peuple juif. Bien aimé, le courage et les sacrifices, ça paye tout. Tu peux te donner un sacrifice de prier, de jeûner, d'affronter la bataille en face, et tu auras le succès. Mais si tu te résignes, tu ne verras pas cela. Raison pour laquelle, pour que nous puissions faire face aux situations opposées, bien-aimés, soyons courageux. Soyons courageux. Si on peut se poser la question, pourquoi seulement à tel moment que Mardoché se retrouve dans la cour royale? Bien-aimés, la simple et unique cause, c'est le salut des Juifs. Mais pour ce salut, pour ce salut, ça demande le courage. Dans ta famille, vous traversez des situations très compliquées. Parfois, aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont même pas commencé les écoles, les études. Il y a des familles qui vivent à peine. Mais ces familles ont besoin de quelqu'un qui va s'élever, d'un courageux qui va s'élever, afin de sauver tous les restes. Et Dieu ne passera pas par quelqu'un d'autre. C'est ton par qui Dieu va passer. C'est toi qui es là ce soir. Joseph, Yusufu, il était le sauveur de sa famille. S'il n'avait pas été vendu, sa famille n'allait pas vivre pendant les temps de famine. N'allait pas manger pendant les temps de famine. Il aurait fallu que Joseph se retrouve en Égypte pour qu'il soit le sauveur de sa famille. Et ce soir, le sauveur de la famille, de ta famille à toi, vous êtes à 10, vous êtes autant. Le sauveur que Dieu voit ce soir, c'est toi qui es là. Tu peux sauver ta famille ce soir. Tu peux prier pour ta famille. Daniel a sauvé beaucoup de vies. Il y a les satrapes, il y a les magiciens qui n'avaient pas su interpréter ni moins donner les songes ou les rêves du roi. Mais tous ces gens-là devaient être tués. Mais regardez ce que Dieu a fait avec lui. Dieu est passé par Daniel. Et ayant compris le signe de temps et possédant l'esprit supérieur en lui, Daniel s'est retiré dans la prière. Et dans la prière, Dieu lui a révélé les songes. Pas seulement les songes, mais aussi son explication. Et la loi, l'ordre qui était donné par le roi de tuer tous les satrapes, de tuer tous les magiciens, tous les sages, y compris Daniel et ses compagnons. Daniel na bajirani yake. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de révélation. Opendwa Mungu wetu ni Mungu wa ufunulo. Quand il a révélé, wakati alifunula ile, et le, Daniel est allé auprès du roi. Daniel alimwendea mfalme. Il a demandé l'accès auprès du roi. Alilomba ruhusa kwa mfalme. Il a expliqué les songes. Alifasiria maana ya ndoto. Et par là, bien aimé, na kupitia tena pale mpendwa, le roi a fait tomber la loi qui était vraiment conçue pour tuer tous ces gens-là. Raison pour laquelle nous avons besoin des hommes et des femmes courageux ce soir. Si on a le courage et si on a le courage, kama tuko na kiasi, on doit aussi avoir ce qu'on appelle la providence divine. Tunapaswa kwa tena na akiba ya kumbingu. Amen. Amen. L'histoire raconte que hii natuambia hivi, Daniel, huyu Danieli, face aux situations opposées, mbele ya mahali ya upinzani kwake, il devait réunir tous les courages possibles. Ilipaswa akuye mtu mshujaa kabisa na mjasiri. Et son courage na ujasiri wake avait fait que ilimfanyia ya kama Dieu huyo Mungu puisse se lever maintenant. Apate kusimama sasa. Le pasteur, quand il avait introduit ce thème, chungaji wakati alileta hii maana ya il nous avait dit, nituambiaka hivi, dans le livre d'Esther, kitabu ya Esther, nulle part hakuna fasi hata moja on parle de la présence de Dieu. Banatayamo jina la Mungu. Mais regardez, sasa tazame, même si Dieu n'était pas nommé, ingawa kama abakutaya jina ya Mungu mwikitabu, dans le livre d'Esther, kitabu ya Esther, mais une chose est vraie et certaine, akini kitu moya ni ya kweli ni hiki, l'intervention de Dieu, usaada wala usaidizi wa Mungu, est évidente. Buko pale tayari. Amen. Amen. L'intervention de Dieu est évidente. Usaada ya Mungu iko pale tayari. Même si Dieu ne te montre pas dans les songes, ingawa kama Mungu akwambie kitu mundoto yako, même si on ne te prophétise pas, ingawa kama hautabiriwe, que cela ne te décourage pas, hapana kuregea juu ya ile, parce que l'intervention de Dieu est probable. Sababu msaada wa Mungu uko tayari. Dieu est intervenu dans la situation de Mardoché. Mungu alisaidia muhali ya Mordekai. Dieu est entré dans la situation de Mardoché, bien-aimé. Mungu aliingia muhali ya Mordekai. Même s'il n'a pas été cité dans l'histoire de Mardoché, ingawa kama hawakumtaja jina yake mwandishi ya Mordekai, mais la façon dont Dieu est intervenu, Dieu a déjoué le complot de Aman. Mungu aliweza kuangusha matengenezo yote ya Aman. Aman, Aman huyu cherchait à ce que Mardoché puisse se prosterner devant lui. Alitafuta Mordekai ainame mbele yake. Mais quand Mardoché a refusé de se prosterner, wakati Mordekai alikataa kuinama mbele yake, il a aussi poussé le roi. Aliweza kumsukuma mfalme. À pouvoir donc rédiger une loi. Andikeko agizo moya. Laquelle loi? Ile agizo. Tout celui qui ne se prosternerait pas yoyote hata inama mbele yake devait être tué. Alipaswa kuuawa. Mais regardez comment Dieu est grand. Tazameni jinsi Mungu anafanya kazi. Dieu s'est souvenu. Mungu aliweza kusumbuka. De Mardoché. Alimkumbuka Mordekai. Il est entré dans le roi. Aliingia ndani ya mfalme. Le roi a parcouru les annales. Mfalme aliingia kufuatana mabuku mbalimbali. En parcourant les annales, kuangalia makombo, le roi a vu le nom de Mardoché. Mfalme alisoma huko jina ya Mordekai. Mardoché avait sauvé le roi Assyrus. Namna kani Mordekai aliweza kusaidia kwa mfalme Asuero. Du complot des deux uniques. Wakati ile ya siku mbili, les deux uniques qui voulaient vraiment prendre, donc s'en prendre la vie du roi. Yeye alipenda akamate mfalme au anabisha maisha mfalme. Le roi est tombé là-dessus. Mfalme aliangukia pa ile maneno. Et le roi a posé la question. Kisha mfalme aliuliza kaulizo. Quelle promotion honorifique? Ni nini tunaweza kupatia ya bei? A-t-on donné à Mardoché? Walimpatia kako Mordekai. On a dit rien. Asema bakumpatia ka kitu. Bien-aimé, pendwa, l'intervention divine est possible. Musada ya Mungu inawezekana. Tu es là ce soir. Uko hapa magharibi leo. L'intervention de Dieu est possible. Musada ya Mungu tena inawezekana. Dieu peut intervenir. Mungu anaweza kusaidia. Là où ton père ne peut pas intervenir. Pale baba yako atashinda kusaidia. Dieu peut faire. Mungu anaweza kutenda. Là où tout le monde ne peut pas faire. Pale watu wote watafanya kitu. Tout le monde avait oublié Mardoché, ce qu'il avait fait, le salut qu'il avait apporté au roi. Mais Dieu s'est souvenu de Mardoché. Bien-aimé, même dans la situation difficile, là où nous sommes en train de passer, Dieu va se souvenir de nous. Mungu atatukumbuka. Dieu s'est souvenu de Daniel. Mungu alimkumbuka Daniel. Daniel était dans la fosse au lion. Daniel alikuwa mshimo ya simba. Mais Dieu était avec lui. Mungu alikuwa pamoja naye. Bien-aimé, Dieu sera avec toi. Pendwa, Mungu atakuwa pamoja naye. Quel que soit l'endroit où on va te mettre. Ingawa pahali pale patakutupa. Dieu sera avec toi. Mungu atakuwa pamoja naye. Parce qu'il est écrit. Sababu inaandikiwa. Rien n'est caché devant lui. Hakuna kile kinaficha devant lui. Mbele yake. Tout est à nu. Yote iko mtupu. Et tout est à tes couverts. Na yote iko wazi. Et que devant lui. Rien n'est impossible. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. On pensait en terminer avec lui. Mais le Dieu de Daniel a envoyé son ange. Le roi avait peur. Lorsque le matin il est arrivé au trou, il a appelé Daniel. Daniel lui dira: ô roi, vis éternellement. Bien aimé, notre Dieu, il est le maître des temps, le maître des circonstances. Oh bien-aimé, je loue Dieu. Comment Daniel définit Dieu? Comment Daniel nomme Dieu? Daniel dit de Dieu: tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Bien-aimé, pourquoi? Ce qui avait été prévu, la mort qui était prévue, parce qu'il fallait faire périr Daniel ses compagnons. Tous les satrapes devaient être tués. Mais Dieu s'est révélé à Daniel. Et lorsque Daniel expliqua les songes, bien aimé, la situation a changé. Ta situation changera. Avec Dieu, ta situation changera. Quel que soit le temps que ça a pris, si tu as la foi, si tu agis avec fermeté, ta situation changera. Même si on t'a dit que toi tu ne mettras pas au monde, la Bible déclare: dans ma maison il n'y aura pas de femmes stériles ni moins de femmes qui avortent. Bien aimé, les enfants, c'est Dieu qui les donne. Et la Bible déclare: les enfants sont un don de l'Éternel. Les enfants que tu as, c'est Dieu qui te les a donnés. C'est une bénédiction pour toi. C'est pourquoi ne t'effraie pas devant une situation de stérilité, devant une situation de chômage, devant une situation de manquement. Tu vis vraiment le mépris des autres. Il n'y a personne qui te considère. Quand on te voit, ils prennent d'autres directions. Mais Jésus, il vient dans ta direction. Jésus vient dans ta direction. Il ne t'abandonnera jamais. Il est ce Dieu qui nous a dit: je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Quel que soit le temps, Dieu est avec toi. Et Dieu est fidèle. Bien aimé, la quatrième des choses, on va terminer, c'est le succès inattendu. Les succès inattendus. Regarde ce que Dieu a fait avec Mardoché. Des simples juifs, des simples captifs, Dieu a fait que Mardoché soit le premier ministre. Bien aimé, dans la présence de Dieu, Dieu a un plan avec toi. Ne te considère pas tel que les hommes te considèrent, mais vois-toi comme Dieu te voit. Jérémie 29, 11 dit ceci: je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix, les projets de bonheur. Jérémie, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Ne laisse pas la diversité te définir. Ne laisse pas les épreuves te donner une identité. Les épreuves que tu traverses aujourd'hui, tu as vu que vraiment les finances sont séchées et on te dit que tu es pauvre. Bien aimé, que cette opposition, que cette épreuve, ne te donne pas cette identité. Parce que Mardoché, il était un esclave avec Dieu. Il est parti du captif à la première, à la primature. David aussi sera fait de même. Dieu est celui qui prend celui qui est dans la poussière et qui le met ensemble avec les grands de son peuple. Il arrivera des jours et tu vas entrer aussi dans des grandes réunions. Il arrivera des jours où toi, Dieu, tu vas aussi signer. Parce que lorsque le roi a honoré Mardoché, la Bible déclare, il lui a donné le sceau, le sceau du pouvoir. Bien aimé, le sceau que le roi doit détenir lui-même. Mais le roi te donne toi le sceau. Bien aimé, quel honneur. Dieu honore ses serviteurs. Dieu honore ses enfants. Dieu va t'honorer aussi. L'honneur de Dieu, c'est ton partage aussi ce soir. Dieu a honoré les jeunes gens. Voyez Daniel qui a été élevé au second rang. Daniel Mardoché au second rang. Mordecai est au hali ya pili. À combien plus fortes que toi. Dieu ça ça wewe na wewe Mungu si tu as la foi. Kama unakuwa na imani. Tu vas aussi être élevé. Na wewe utainuliwa. Ceux qui te combattent. Bale wanakombanisha leo. Ceux qui te méprisent. Bale wanakudharau leo. Ils auront honte de te voir, de te regarder demain. Batakuona vile utaendelea kesho. Parce que la Bible déclare. Sababu Biblia inasema. Lorsque l'on trouve lui le regard. Wakati unamgeukia yeye Mungu. Honore una de joie. Tunamelemeta na furaha. Sasa Dieu va changer. Mungu atabadilisha. Dieu va te transformer. La mission du Pentagone que le pasteur nous a donnée ici, c'est pour les résultats palpables. Bien aimé, les résultats seront palpables dans ta vie. Dans la vie de Mardoché, il ne s'imaginait pas qu'un jour il va s'asseoir à côté du roi. Toi aussi, Dieu fera en sorte que tu sois à côté du roi. Tu sois à côté du président. Tu sois à côté du président. Si tu as la foi, tu saisis cela. Et cela va t'arriver. À ta foi, tu verras des grandes choses. Job dit ceci. À tes résolutions, répondra ton succès. Alléluia. Amen. Si tu as la foi, kama kuna imani, tu verras sera s'accomplir dans ta utaona vie. Ile kutimizika. Nous terminons par ceci. Tunamalizia kusema hivi. La cinquième des choses, kitu ya tano, il faut défier afadhali l'ordre établi par les hommes. Ile masheria watu baliweka. Si tu veux kama unataka faire face kuweza kushindana aux situations opposées, mahali opizani, défier basi katala l'ordre établi par les hommes. Défie la loi des hommes. Mardoché a refusé de se prosterner devant Amman. Parce qu'il y a un seul qui mérite d'être élevé. Il y a un seul chez qui nous devons nous prosterner. C'est Dieu. Bien-aimé, les genoux ici ne permet pas que tu puisses fléchir devant un homme. Tes genoux ici, Dieu te les a donnés. C'est pour se prosterner devant lui. Et quand tu te prosternes devant lui, il t'élève. Quel que soit le temps, Dieu va t'élever. Pierre, Petro, devant les pharisiens. Bele ya wafarisai. On dit que il ne faut pas continuer à prêcher sous ces noms-là. Balisema mushendele kuhubiri tena mujina la Yesu. Ne nous prêchez pas Jésus-Christ. Tuhubirie Yesu sisi. Bien aimé, même s'il arriverait. Upendo hata kama inafika. Qu'on t'interdise de prêcher Jésus. Na kukataza ushuhubiri jina la Yesu. Ne t'étais pas. Wewe hapana kunyamaza. Ton salut yako vient de ce nom là-bas. Inatokea mwile jina. Alléluia. Amen. Ta grandeur ukubwa wako vient de ce nom là. Inatokea mwile jina. Jésus, uyu Yesu, que tu vas vraiment élever. Ule utaweza kumuinua. Quand tu vas refuser de se prosterner devant les hommes. Kama unakatala kuinama mbele ya ces hommes là ils seront d'avis avec toi. Et leur langage va changer. Le langage de Nebuchadnezzar avait changé. Nebuchadnezzar avait changé son langage. Comment il avait changé son langage? C'est lorsque il a vu que Daniel dans la fosse au lion. Le lion ne s'était pas approché de lui. Daniel n'avait aucune blessure sur son corps. Il a abrogé la loi qui avait été vraiment conçue contre Mardoché. Et en lieu et place, il est devenu un évangéliste de Mardoché. Et il a parlé à tout le peuple. Tout peuple, à n'importe quel endroit il se trouve, qui va parler en mal du Dieu de Daniel, il sera jeté dans la fosse au lion. Bien aimé, quand tu défies les lois, tous ceux-là qui ont conçu ces lois contre toi, Dieu va le prendre et il va les enfoncer. Ils seront jetés dans la fosse au lion. Mais toi, parce que tu respectes Dieu, tu respectes sa parole, Dieu va te sauver et il va donner des hommes à ta place. C'est ce que la Bible nous dit. Je donnerai des hommes à ta place. À l'endroit où toi tu devais être tué, ils vont se retrouver eux-mêmes dans ces trous et ils seront eux-mêmes tués. Que Dieu nous bénisse. Nous allons entrer en prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien aimé, nous nous tenons debout. Nous avons quelques minutes seulement de prière. On a quelques minutes seulement de prière. Oh Jésus, tu es Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu rencontres des situations opposées, bien-aimés. Je ne sais pas si au travail, je ne sais pas si dans ton mariage, je ne sais pas si c'est dans tes enfants. Ce soir, tu vas défier toutes les lois qui ont été établies contre toi. Ce qui a été établi, qui a été dit sur les hôtels dans le monde de la sorcellerie, contre toi ce soir, tu vas défier ces lois et tu vas élever Jésus. Comme le roi avait élevé le Dieu de Daniel, que Dieu le fasse avec toi ce soir. Entre dans la prière et lutte contre les lois établies contre toi, les lois établies contre ta famille, les lois établies contre ta maison, les lois établies contre ton travail, les lois établies contre ta progéniture, les lois établies contre tes projets. Tu vas les déchoir ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu est le maître des temps. Dieu, il change les circonstances. Dieu est en train de confondre nos ennemis. Tes ennemis doivent être confondus ce soir. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Papa, nous venons ce soir auprès de toi, Jésus. Nous venons ce soir auprès de toi, Père. Nous venons ce soir auprès de toi.